gentil, Grosif. La collection nervosité, ma bande sonore vient visiter. Ton esprit, tu l'entends, alors pourquoi hésiter à le laisser s'incruster? Car le mental est un appât que mon peura se fait un plaisir de déguster. Serre-toi de tes deux mains pour l'acclamer. Il est très réclamé quand il s'agit d'enflammer une piste déserte ou même une foule inerte. Et de la qualité offerte. Certes, je parle de mon rap, voilà le concept. Bouge la tête ou dans le bras pour que t'interceptes le sujet exposé, à ne pas refuser. Toujours à diffuser, sans en abuser. Installe-toi tranquillement dans le compartiment, en direction de la bonne vibe, bien évidemment. 3, 2, 1, prêt pour le décollage. Départ imminent pour que les passagers se soulagent. RBYB dans tes caissons.